Vendredi 4 novembre, bienvenue à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant avec vous pour la prochaine heure. Ce matin, je parle d'un sujet que, pour certains, ça peut être très délicat. Je parle de l'âgisme. Si on prend une idée, par exemple, pour l'âgisme, tout le monde a entendu parler de l'histoire de Winston McQuaid. Il y a quelques mois, en fait, on l'a entendu. C'est le porte-parole de Gracious Caf, en fait, l'ambassadeur, et puis il y a eu des plaintes à la compagnie comme quoi qu'il était trop vieux. À 73 ans, on trouvait qu'il était trop vieux pour être l'image. Heureusement, dans cette histoire-là, la compagnie s'est pas pliée à la demande des gens qui ont envoyé ces plaintes-là, et puis ils ont repris pour faire une nouvelle campagne publicitaire, et puis pour dénoncer l'âgisme, en fait. Et puis, ben, pour nous éclairer sur le sujet ce matin, je reçois Réjeanne Audette des Retraités Flyers et Myriam Côté, chargée de projet pour la FADOC. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. L'âgisme, qu'est-ce que c'est? Pour résumer et situer les gens, qu'est-ce que c'est l'âgisme? Grosse question. Ben grosse question. C'est sûr que ça a débuté. Ben je pense que Madame Audet aussi a lu sur le sujet. C'est le gérontologue Robert Butler en 1969-75 qui a défini un peu l'âgisme comme étant la discrimination touchant surtout les personnes âgées. C'est relié à l'âge et tout ça. Donc un peu sur le même modèle que le racisme et le sexisme. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais c'est vraiment de la discrimination, faire des remarques par rapport à la personne aînée sur différents thèmes. Là. C'est des préjugés aussi, Madame Audette. Oui, tout à fait. Disons que la théorie, mais la pratique dépasse la théorie souvent. C'est parce qu'on, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que les personnes qui en font de l'âgisme, qui vont parler en mal des personnes aînées, ben, souvent elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font dans le sens que c'est peut-être une absence de culture. Oui. Est-ce que ça peut se faire aussi vis-à-vis une personne âgée vis-à-vis une autre? Bien, oui, tout à fait, parce que Ça vient pas juste des jeunes, parce que quand j'ai parlé que j'étais pour traiter d'âgisme, on me demandait, on me laissait remarquer comme quoi que c'était les jeunes qui étaient souvent qui avaient des préjugés envers les personnes âgées. Et non, moi j'ai remarqué, on peut regarder au travers, on a juste à ouvrir les journaux, la télé, on l'entend. Ça vient aussi des personnes âgées envers d'autres personnes âgées. Bien, c'est certain qu'il y a de l'âgisme même au niveau des plus jeunes dans toute catégorie. Mais l'âgisme est plus présent, oui, chez les personnes aînées. C'est ce que la littérature dit. Mm-hmm. Puis, moi, je pense qu'au niveau de l'âgisme entraîné, c'est tout ce qui est en lien avec les préjugés, discrimination, je pense que c'est tout ce qui touche la différence. Donc, dès qu'une personne aînée est différente d'une autre ou qu'il y a une certaine incapacité, bien, peut-être qu'il y a un malaise de la part d'une autre personne qui va faire des remarques ou des insinuations par rapport à ce qu'elle est. Puis ça, ça peut être des stéréotypes reliés à l'âge. Mais oui, ça peut arriver entre aînés, oui. C'est quoi les stéréotypes, par exemple, qu'on peut entendre? Je vous en demande beaucoup, peut-être, mais c'est vraiment pour pouvoir mettre un doigt sur ce que c'est que l'âgisme, puis quel préjugé qu'on entend le plus fréquemment. Bien, le plus fréquemment, je pense que c'est variable. Là. Ça peut être au niveau de la lenteur des personnes aînées. Parce que l'âgisme, je pense qu'on va généraliser l'ensemble des stéréotypes qu'on va croire. Les c'est aînés, tout le monde c'est dans tous le même panier. Oui, c'est okay. Ça. Donc, les aînés, c'est tous des incapables. Ils sont plus en mesure de redonner à la société. Pourtant, avec tout le lot d'expériences qu'ils ont, on pourrait compter et mettre à contribution davantage leur expérience. Ça pourrait être profitable, exactement. Tout à fait. Sont ridés, sont... Ben, je sais pas, vous pouvez rajouter, madame? Moi, je peux rajouter tout à fait. Ouais, bon, on entend souvent, bon, ben, pourquoi on n'enlève pas le permis de conduire, je sais pas, moi, presque à 60 ans, tu sais. Bon, des choses comme celle-là. Pourtant, les aînés, les statistiques le prouvent, sont peut-être la cause de moindre d'accidents. Mm-hmm. Bon, il y a parce qu'on l'entend beaucoup. On l'a entendu dernièrement encore avec une dame qui est justement ici sur Henri Bourassa, où est-ce qu'elle est rentrée dans un commerce, puis qu'est-ce qui a été ressorti par les journalistes? Ça a été son âge. Ça n'a pas été, est-ce qu'elle a eu un malaise? Est-ce que, parce que ça peut arriver à n'importe quel âge. On a vu aussi sur le boulevard Laurier qu'il y a un jeune qui a perdu le contrôle pour une crise d'épilepsie. Est-ce qu'il paraîtrait? Donc, on dirait qu'on est plus sévère quand c'est une personne âgée. On dirait qu'à partir d'un certain âge, non, plus de permis. Puis, je lisais les commentaires et c'est atroce, là. C'est ce qu'on peut entendre. Je pense que vous en entendez les deux, là. Bien, ça peut être aussi au niveau du travail, là. La personne aînée, pourquoi elle ne prendrait pas sa retraite pour laisser la place aux jeunes? Donc, oui, il peut y avoir plein de remarques désobligeantes qui s'articulent par rapport à cause de la prise en âge ou du vieillissement. Mais en fin de compte, c'est le vieillissement, c'est biologique, c'est obligatoire, ça nous arrive tous, mais je pense qu'il y a peut-être un malaise au niveau de plusieurs personnes au sein de la société qui ont de la difficulté à apprendre à vivre avec le vieillissement. Puis c'est tout à fait normal d'avoir un vieillissement. Oui, il y a des vieillissements qui sont plus difficiles pour certaines personnes aînées. Mm-hmm. Il y a des maladies, il y a des maladies physiques qui peuvent arriver en fin de parcours, mais c'est pas la majorité. Il y a des aînés qui sont aussi en très bonne santé, qui ont, même s'ils qui ont 90 ans, 85 ans, sont très impliqués dans la communauté, sont présents dans les organismes communautaires aussi pour donner de l'aide, faire du bénévolat. Il y a aussi l'apport de plusieurs aînés comme étant proches aidants auprès de leur famille, des petits-enfants. Moi, je réagis à ça parce qu'on entendait... Vous, avec les retraités flyés, vous êtes occupés pas mal, je pense. Beaucoup. Mais c'est les gens aussi qui nous rejoignent sont très occupés. Et je me rends compte, le préjugé qu'on avait en disant les aînés, je veux dire, du moment qu'on prend notre retraite, là, c'est ça. Des fois, on est un petit peu poussé vers... Ça ne m'est pas arrivé, mais j'en voyais pour certaines consoeurs ou confrères. Mm-hmm. On est un petit peu poussé vers la porte, mais ça, il faut dire ceci, là. On va continuer à payer des taxes, là. Bon, voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, bien, comme vous venez de le dire, on est un apport très, très important au niveau du bénévolat. On a une expertise, puis à 99% du temps, les gens qui avaient déjà d'excellentes connaissances ou d'implication dans le milieu, mais ils vont continuer. Parce que même si on prend de l'âge, là, le phénomène de se sentir utile, on en a besoin. Bien, je voulais l'apporter, ce point-là. Il y en a beaucoup aussi qui, après leur retraite, pensaient prendre justement du temps, relaxer, tout ça, puis ils se rendent compte qu'ils s'ennuient de travailler, vont travailler temps partiel ou font du bénévolat. Est-ce qu'on le voit de plus en plus? Parce que de plus en plus, on vit plus vieux et puis en même temps, ben, on a de l'énergie, on a une meilleure santé peut-être. Bien, tout à fait. Puis moi, je voudrais amener peut-être un point de vue. Quand on regarde ça, on se dit, c'est qui fait l'âgisme et tout ça, mais je pense que au Québec et peut-être les Nord-Américains en général, on est des gens qu'on met beaucoup, beaucoup l'emphase sur la jeunesse. Vous disiez tout à l'heure l'histoire des rides. Bon, ben faut pas en avoir. Puis, il y a une industrie qui est, en fait, à qui ça rapporte des millions, cette histoire-là. Moi, je pense qu'ici au Québec, là, si je regarde, j'ai voyagé un peu, je suis allée en Europe, en France particulièrement, si on va dans une famille, mes amis, ils vont toujours inviter les grands-parents à se joindre au premier repas qu'on prend ensemble. C'est absolument indispensable qu'on rencontre les personnes, les aînés de la famille. Je suis allée en Asie, je suis allée au Vietnam, je regardais les communautés et les personnes qui sont à la retraite ou en fait, plus elles prennent de l'âge, plus elles sont considérées comme les sages de la société. Oui. Alors qu'ici, c'est « tasse-toi, fais-moi de la place, je veux prendre ma place », mais on oublie. Et ça, je trouve ça triste. C'est comme, et en faisant ça, je veux dire, on voit ça aussi un petit peu dans les humoristes et je veux dire, on dirait que ça fait bien de faire de l'âgisme. Ça devient comme un sujet de prédilection. On rit des petits vieux là, bon, sur le bord de la rue ou bon. Mais quand on commence à regarder, à ce moment-là, c'est malheureux parce que moi je trouve qu'il y a une question d'éducation là-dedans. Ouais. On mène aux jeunes tout de suite en porte-à-faux avec les gens qui prennent de l'âge. Et malheureusement, je pense que souvent, c'est un manque d'éducation qu'on traduit en faisant ça. Parce que moi, je prends l'autobus, là. Mm-hmm. Puis j'ai pris l'autobus un peu partout. Puis je me rends compte que ici, là, bon, ben, c'est quasiment une guerre pour que le jeune va se lancer en avant de toi pour s'asseoir. Mais je comprends pas. Parce qu'ailleurs, ils donnent la place. Et je remarque dans l'autobus, particulièrement, encore une fois, ce sont les jeunes qui viennent de d'autres ethnies ou communautés qui vont tout de suite, immédiatement, offrir le siège. Alors, c'est un exemple. C'est vraiment une question de culture. Voilà, je pense. Et ça, c'est triste parce que collectivement, peut-être qu'on contribue à ça. Moi, j'ai rien contre les humoristes, j'ai rien contre les radios qui Mais vont... Mais il y en a peut-être aussi des humoristes qui essaient... Puis, écoutez, je me fais peut-être l'avocat du diable, là. Il y en a peut-être des humoristes qui essaient de dédramatiser un peu ce que Yvon Deschamps faisait au niveau du féminisme. Ils vont mettre ça des fois, Yvon Deschamps, au début... Il y avait même des gens qui sortaient de la salle tellement que les femmes étaient choquées de ses propos, que la femme était bonne pour rester à la maison. Mais c'est un des plus grands féministes qu'on peut imaginer. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas des humoristes des fois qui font ça? Je me fais un peu l'avocat du diable, comme oui, je vous ça dis, peut là. Arriver, mais moi, ça se sent, ça. On le sent si la personne est en accord avec qu'elle veut faire, ben, en tout cas, entre guillemets, œuvre d'éducation, ou bien que c'est tout simplement parce que c'est drôle, tout le monde va rire, puis à ce moment-là, ben, ça va faire vendre des CD, billets, ouais. Des DVD. Oui. Je suis gardée, je date déjà. Non, mais des DVD, c'est correct aussi. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est qu'on se met en porte-à-faux avec, avec ce que ça devrait être. Parce que les aînés, je pense, ils ont eu un apport déjà dans la société et de par leur connaissance, de par leur implication, de par leur, en guillemets, sagesse, je pense qu'elles peuvent nous apporter beaucoup. Mm-hmm. Puis les jeunes familles, les enfants, moi j'ai des petits-enfants, là, puis je les regarde aller, puis je trouve que c'est important. Les valeurs, c'est pas juste de la transmission de connaissances, c'est une transmission, justement, de vécu, sentir. Bien, je pense que c'est tout. Vous parliez d'éducation, Mme Audet, là, mais effectivement, la société a peut-être un besoin d'être sensibilisée par rapport aux aînés ou à l'apport qu'ils ont à la société. Puis, effectivement, on devrait prendre comme société québécoise des exemples de pays ailleurs, comme au Japon, où en les Italie aînés aussi. Ont leur place. En Italie, puis où il y a un respect là, extraordinaire vis-à-vis les aînés parce que ils sont invités dans les familles et tout ça. Puis oui, la place est donnée en autobus ou ailleurs. Mais ici, c'est pas naturel, on dirait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des actions qui sont posées, là, mais il y a encore du chemin à faire, je pense aussi. Les actions qui sont posées, je lisais aussi au niveau gouvernemental, il y avait la ministre Charbonneau qui aidait, qui poussait des projets justement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a, parce que j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des actions concrètes? Vous êtes sur le terrain, vous le vivez. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont réellement prises ou... Ben c'est sûr que nous, au niveau du réseau FADOC, on a mis en place certains programmes, comme le programme Aînés Avisés, qui est un programme de prévention de la maltraitance et de la fraude envers les aînés. Puis oui, il y a un volet à l'intérieur où on parle d'intimidation puis d'âgisme. C'est des capsules vidéo qui sont disponibles aussi via le web, le site Internet, ou des conférences d'information qu'on offre dans les... ça peut être dans les résidences pour aînés, auprès des groupes, des clubs d'aînés, des organisations l'éducation pour sensibiliser et prévenir un peu les actions avec ce type de conférence-là. On a aussi le contrat social que la FADOC a mis en place en 2015 pour sensibiliser encore là l'ensemble des acteurs de la société à mettre en place des actions pour assurer une qualité de vie à nos aînés. Et le mouvement bouton argenté, qui est notre épinglette là, qu'on invite les gens à porter, qui représente quatre éléments qui sont les piliers d'une qualité de vie selon nous, puis même selon l'Organisation mondiale de la santé, qui sont la santé, la sécurité, le bien-être et l'appartenance. Donc, pour nous, on se dit qu'à l'intérieur, les entreprises, les organismes publics, les gouvernements, les organisations communautaires devraient aussi adhérer au contrat social pour mettre en place des actions puis créer un environnement favorable aux aînés. Donc, ça peut être une ville qui met en place des lampadaires pour éclairer davantage un endroit parce que les gens veulent marcher ou disposer un bain. Est-ce que vous êtes au courant à Québec ce qui est fait? Ben c'est sûr que globalement, parce qu'il y a quand même des municipalités qui sont municipalités amies des aînés, donc ce que vous dites au niveau de la ministre Charbonneau, effectivement, il y a comme une politique pour s'assurer que les environnements, les services soient adaptés puis qu'on pense à nos aînés. Donc, il y a une volonté politique, mais concrètement, il y a faut pousser aussi à travers nos organisations, à travers nos groupes d'aînés pour s'assurer que ce soit en activité, bien sûr, là. C'est ça. C'est que bon, le palier du gouvernement, c'est très adapté, là, si on veut. Ils ont des mesures puis tout ça, des lois. Mm-hmm. Mais par la suite, je pense qu'on se fie beaucoup sur les organismes du milieu pour mettre en œuvre ces politiques ou ces façons de voir. Et c'est là, disons, que les gens qui sont déjà dans des organismes, aussi, ça peut être des organismes comme l'AREC et tout ça. Moi, j'étais enseignante. Mm-hmm. Je veux dire, on reçoit par le biais de nos organisation, ou même ici à Québec, je regarde, on fait partie des retraités flyés de la table de concertation des aînés de la capitale. Et à ce moment-là, ce regroupement-là ben, nous permet de se tenir au courant des derniers développements dans la conscientisation des problèmes que les aînés peuvent rencontrer. Mais moi, j'en reviens à sur le terrain, véritablement. C'est là. Il y a comme je dirais pas un manque de dialogue, mais c'est parce qu'on a de la difficulté à rejoindre véritablement les gens qui sont les plus démunis. Puis, c'est parce que... Est-ce qu'on manque d'intervenants? Peut-être, mais en même temps... Je traite du pouce aussi. Oui, c'est pas évident de rencontrer les aînés les plus vulnérables, si on veut. Là. Puis je veux pas faire de l'âgisme, c'est pas tout le monde qui est vulnérable, mais il y a des gens qui sont plus démunis pour aller chercher de l'aide ou de l'information. Puis oui, il existe des tables de concertation, mais des fois, il y a des organismes qui existent dans un milieu ou dans un quartier de la ville, mais ils savent pas ce que chacun fait. Mm-hmm. Individuellement au niveau de la mission ou du service offert. Donc, il y aurait peut-être lieu que certains organismes puissent se jaser entre eux pour pouvoir s'entraider puis même se concerter au type d'offres qu'ils ont parce que ça peut amener certains aînés à aller chercher de l'aide à cet endroit-là, mais aussi si cet organisme-là l'offre pas, ben au moins, il va pouvoir le référer ailleurs, là. Mm-hmm. Puis, il y a une panoplie d'organismes pour les aînés, mais des fois, ils sont méconnus de la part de la population âgée là, dans certains lieux. Oui, tout à fait. C'est parce que, bon, il y a le service 211 là, auquel on peut faire appel, mais c'est ça, il faut quand même avoir déjà une certaine connaissance. Mm-hmm. Bon, alors, à partir de ce moment-là, puis moi, je trouve important aussi, dans tous ces organismes-là, mais je veux dire, c'est l'accueil. C'est parce que c'est pas parce qu'on a entendu parler qu'on est allé chercher la référence. Le lendemain matin, quand on va se présenter, mais je pense que c'est très, très important que les aînés y soient accueillis. C'est parce que ça, on oublie ça. Oui. Moi, je viens d'une région. Hein, Qu'est-ce que vous entendez? Oui, on l'entend. Vous l'entendez. Par votre superbe accent. Ben merci, mais j'ai pas de mérite, là. Mais, qu'est-ce que vous voulez dire par les accueillir? Il manque un accueil. Oui. Moi, je pense que quand on... je veux pas dénigrer la ville. Je suis fort heureuse d'être à Québec puis tout ça, mais quand j'étais en région, je regardais. Le tissu social, c'est facile sans dire. C'est pas que tout le monde reçoit la l'aide dont les personnes ont besoin immédiatement, mais il reste que les gens entre eux se donnent des références. Alors, tu sais, s'il voit quelqu'un qui était isolé chez lui, la personne elle vient de vivre un deuil, ben on peut dire, ben va voir peut-être, ou telle personne va se donner presque le mandat de dans un village ou peu importe, d'aller voir les personnes qu'on se doute qu'ils ont besoin d'aide. Alors qu'ici, je regarde ça souvent, puis c'est sûr qu'on est chacun de notre bord. Puis là, ben moi, je constate, en tout cas, au retraité flayé, je vois les personnes arriver. Les personnes ont de l'argent, là. C'est pas ils sont pas démunis. C'est ça, c'est pas une question d'argent dans ce cas-là. Non, pas du tout. Les personnes ont voyagé beaucoup et tout ça, mais je les regarde, puis des fois, là, je suis là, puis on cause, puis je m'aperçois, hey, cette personne-là, quelque part, est quand même isolée. On a beau dire, et c'est ça le but. Notre but, là, c'est tout simplement de rejoindre des personnes comme celle-là, les mettre ensemble, puis leur permettre et de s'informer et de se donner des coups de main quand c'est important. Mm-hmm. Et ça va au-delà. Mais c'est pour ça que moi, je trouve, une ville aussi grande que Québec, c'est sûr qu'à un moment donné, les mailles du filet laissent passer beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés. Et questionne. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des salons? Est-ce que je me trompe? Le salon de la FADOC, si je me trompe pas, ou le salon des aînés, je m'excuse, j'ai pas le nom précis avec moi. Des salons comme ça qui sont gratuits, qui viennent de se passer il y a à peu près un mois et quelques. Ben effectivement, la FADOC Québec Chaudière-Appalaches a tenu un salon à la fin septembre, oui, début octobre, de trois jours au centre de foire exposé. Vous êtes mieux placé que moi à la FADOC pour dire le bon nom. Puis donc plusieurs aînés qui ont visité le salon c'était la cinquième édition d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc il y a plusieurs personnes qui venaient voir un peu les différents services offerts. Il y avait oui des organismes communautaires mais des services sous toute forme, loisirs, activités diversifiées, des conférenciers aussi invités pour parler des sujets qui traitent là, qui sont intéressants pour les aînés. Donc, c'est une occasion, oui, pour les gens de s'informer, de venir voir ce qui se passe puis qui peut être utile, puis de prendre des renseignements nécessaires pour s'activer puis être présent dans le milieu. Là, c'est ce qu'on vise avec le salon, oui, effectivement. Là. Mais moi, je trouve ça parfait, le salon où je suis allée, puis je trouve ça fort intéressant. On apprend beaucoup de choses, on voit les organismes auxquels on peut se référer. Mais moi, je veux amener aussi un autre élément, c'est que souvent, tantôt on a parlé des organismes, les organismes gouvernementaux qui, nous donnent des balises pour contrer l'âgisme. Mm-hmm. Mais moi, j'aimerais parler des commerces de proximité ou encore des institutions financières ou si on revient sur le terrain, oui. Où les personnes qui sont un petit peu vieillissantes vont se réveiller comme exemple, les guichets automatiques. C'est tout ça, là, on pense que c'est facile pour les aînés qui vont apprendre ça comme ça. Demain matin, j'enlève tous les caissiers et mon institution financière, mais dorénavant, va fonctionner par Internet et tout ça. Ouais. Je regrette. Mais même si on n'est pas aîné, ça arrive assez souvent. Moi, j'étais dans l'éducation, puis je sais très bien qu'il y a beaucoup d'analphabètes, je regrette, mais fonctionnels. Oui, on a fait une émission là-dessus, justement, il n'y a pas longtemps, puis les guichets, ça peut être une ça source. Peut être une bête noire. Ouais. C'est ça, là, je regarde ça. Oui, le gouvernement a des choses à dire et à faire, mais il y a aussi les institutions de notre société qui ont quand même des démarches. Et ça se vérifie. Institutions financières, ça se vérifie aussi. Les commerces de proximité, souvent, qui disparaissent. Et on ne mesure pas qu'est-ce que ça peut être quand on s'en va dans les gros centres d'achat. J'ai rien contre ça. Parfait. Mais il faut avoir une voiture, puis il faut avoir des besoins un petit peu spécifiques parce que la quincaillerie du coin, l'épicerie du coin, le dépanneur du coin, je pense que c'est ces endroits-là que nos aînés sont habitués déjà à fréquenter. Et si on ne pense qu'au profit et non pas au bien-être d'une population, ben c'est sûr qu'on va s'en aller vers de plus en plus le virtuel. Mm-hmm. Mais le virtuel, il y aurait peut-être le mot « vie » dedans qu'il faudrait privilégier, c'est-à-dire le terrain, les gens qui sont à la base. Ouais. C'est sûr que les services de proximité, si j'ajoute un peu avec ce que Madame Audet dit, des fois, l'aîné qui allait au dépanneur du coin chercher sa pinte de lait ou son pain, c'est peut-être sa sortie qu'il faisait dans la journée qui permettait de voir quelqu'un ou d'aller même à l'institution financière. Ben, il allait jaser avec une personne, puis c'était sa sortie. Au moins, il voyait du monde, puis il se déplaçait. C'était une occasion pour lui de se déplacer, de sortir de chez lui, puis de s'intégrer dans le milieu. Mais si le commerce ferme, ou effectivement, ça peut l'amener à plus se retirer, puis à s'isoler et à moins sortir peut-être dans le milieu parce qu'il n'y aura pas à aller chercher son... Là, je fais peut-être de l'âgisme positif dans le sens où est-ce qu'il y a une certaine génération que le côté virtuel, le côté Internet, n'existait pas. On voyait justement plus les gens. On les avait devant nous. On appelait, on n'avait pas de machine nécessairement. Là, je parle d'une génération, par exemple, celle de ma mère, qui est rendue à 75 ans, où est-ce qu'elle était habituée, justement, comme vous dites, d'aller au dépanneur du coin, d'aller voir le boucher, d'aller à l'épicerie, où est-ce qu'il y avait un petit gars qui était là puis qui emballait ses sacs, qu'est-ce qu'elle voulait. On posait les questions, il y avait des gens, il y avait rien de virtuel. Est-ce que, justement, c'est pas ce côté-là que les gens d'une autre génération ont besoin? Puis est-ce qu'on n'essaie pas de rajeunir la ville? Tout à fait. C'est beau d'intégrer la technologie, mais est-ce qu'on n'essaie pas à tout prix de rajeunir et de tasser dans un coin les gens de la génération de ma mère, par exemple? Bien, je n'irais peut-être pas jusque-là. C'est pas concerté. Pas proprement aussi dit, drastique mettons. Que ça. Que si ça. Non, non, oui. Pas proprement dit, c'est ça. Mais je vous pose la question, puis je vous laisse élaborer. Bon. Moi, je vois beaucoup d'aînés. En fait, je suis des cours avec les loisirs Saint-Sacrement, là, les retraités flyés. On est très actifs avec eux. Et... en fait, c'est avec la ville à ce moment-là. Et on se rend compte que, bon, il y a des cours qui se donnent pour l'utilisation de la tablette et tout ça. Ouais. Il y a beaucoup d'aînés qui sont maintenant branchés, entre guillemets, et qui, avec les petits-enfants, tout ça, échangent des photos et tout ça, Facebook. Bon, c'est parfait. Moi, je trouve que... Puis, bravo, ma mère, c'est à 60 ans, elle a 88 maintenant. À 60 ans, on lui a offert les premiers ordinateurs, c'était dans les années 90, et maintenant, elle est encore active. Mais ça veut pas dire qu'ils se débrouillent pas là-dessus. C'est pas ça que je dis. C'est que, à un moment donné, est-ce qu'eux sont justement, ils ont une culture, cette génération-là, qui fait que, ben, ils aiment ça avoir une personne derrière le comptoir. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. Et moi, ce que je veux juste poursuivre un petit peu là-dessus, c'est que c'est ça, là. Même pour, je connais beaucoup de gens, 20 ans, 15 ans, mettons, là, 20 ans, tout ça, puis même 5, 6 ans, les jeunes sont sur Facebook, on pense que, parce qu'on a 300, mettez-en, 3000, on peut extrapoler, amis, qu'on est très, très, je veux dire, dans le coup et tout ça. C'est pas vrai. Et je me rends compte que souvent, parce qu'il y a Facebook, les gens évitent de se téléphoner. Ça, là, moi, j'en reviens pas. Parce que quand on reçoit un courriel, ou peu importe, on peut réagir, j'aime, bien oui, j'aime. Mais est-ce que ça va plus loin que j'aime? Là, ça devient... on s'isole. Et moi, c'est ça un petit peu que je déplore. C'est que les valeurs d'une société importante, peut-être on a de la difficulté, on va avoir de plus en plus de difficultés à les transmettre, ces valeurs-là, et c'est important. Quand je parle de valeurs, c'est l'entraide, c'est soucier de la personne qui est à côté de moi, est-ce que ce matin, ça va bien ou ça va pas bien. Tu sais, j'envoie 10 messages, mais je veux dire, est-ce qu'il y a de l'âme dans le message, est-ce qu'il y a de l'humain, et c'est ça que je veux dire, je pense. Tu sais, moi, je prône pas un retour aux années antérieures, c'est pas ça, mais c'est que est-ce qu'on pourrait se dire que c'est comme on a la crème d'une société actuellement, et est-ce qu'on pourrait, en fait je pense qu'on est au Québec privilégié, tout à fait, et à ce moment-là, bien, est-ce que en génération on pourrait faire une réflexion que si on garde pas l'humain, qu'est-ce qu'on va avoir, des machines? Mais là, on n'est pas loin des robots, là. Écoutez, c'est super intéressant. On va prendre une pause. On va revenir avec les générations, le côté intergénérationnel. On parlait aussi d'isolement. On en a un peu placé quelques mots dans la première partie de l'émission. Mais j'aimerais ça vous entendre sur une garderie qui est intégrée dans un CHSLD. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. On revient après la pause. Oui. De retour à l'émission Les Différents, Mélanie Florent avec vous pour jusqu'à 10 heures en fait. Je suis toujours en compagnie de Myriam Côté de la FADOC et de Réjeanne Audet des retraités Flyer. Rebonjour. Je vous parlais avant la pause du manoir Soleil. Le manoir Soleil, à ne pas confondre avec les autres soleils qu'on entend parler aux nouvelles puis dans toutes les publicités. Le manoir Soleil, c'est à Chambly. Et on y trouve à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cette résidence-là pour personnes âgées, 6 enfants. C'est une garderie de type familial, donc c'est avec un maximum de 6 enfants. Et puis, il y a une intégration, il y a vraiment un mélange de générations. Même pour eux, c'est une grande, et ce qu'ils disent, c'est une grande famille de 0 à 102 ans. Donc, d'intégrer les tout-petits. Puis quand on regarde aussi au travers les employés, qu'eux autres sont dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, et les personnes, les résidents qui sont là, qui sont au-dessus de 60 ans, je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez du mélange? Je parle pas nécessairement d'intégrer des garderies dans tous les CHSLD, mais en général, le mélange des générations, est-ce que c'est profitable? Moi, oups, attendez, Madame Audet, je vous ai pas levé le son. Ben, je pense. Allez-y, que... Madame Audet. Okay. Ben, bon. Commencez. Oui, OK. Go. Bon, ben, je vais y aller. Puis, bon, moi, j'ai eu une expérience avec des amies françaises. Je suis allée à Rouen et mes amies, il y en a une des amies qui était conseillère municipale, échevin. Et dans sa ville, parce que l'école est avec la municipalité, là, en France, c'est un peu différent de nous, c'est que les enfants, justement, les jeunes de garderie, étaient dans le milieu, dans le même milieu que les personnes, on va dire, CHSLD, par exemple. Oui. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, eux autres, ils ont vu tout de suite les bienfaits de ça, parce que les enfants, eux-mêmes, ont adopté des personnes à la retraite et vice-versa. Et c'est ça qui bon, ils m'avaient parlé de ça. Moi, je suis arrivée aux retraités flyés, j'en ai parlé un peu aux gens, mais il faut dire que là, maintenant, les retraités qui prenaient leur retraite à 55 ans, c'est facile, là. Quand j'ai parlé de ça, les gens étaient tous en voyage, presque. Alors, on n'a pas eu bien de suite au projet. Je pense que maintenant, les gens ont commencé à ralentir parce que là, définitivement, la retraite va venir à un âge un petit peu plus avancé. On peut dire 65 ans, 70 ans. Ouais, on avait parlé de 67 au niveau fédéral, si c'est je me trompe ça, pas. Entre les deux. Alors, à ce moment-là, peut-être que là, on va s'adresser à une génération. Les gens vont peut-être prendre leur retraite, commencer par voyager, mais par la suite, assez rapidement, ils vont entrer à la maison. Il faut dire que ici au Québec, on avait eu une réflexion à ce sujet-là. Là, en disant, bon, pourquoi on ne bâtit pas des maisons intergénérationnelles? Et ça existe, mais ça n'a pas donné les résultats tout à fait comme on s'attendait. Non. Ben, je pense que c'est un petit peu plus difficile à organiser parce que, la famille vit ensemble, mais dans le jour, là, les personnes qui sont, peut-être un peu plus vieillissantes avec le temps, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des services et tout ça qu'on reçoit si on est dans une résidence, en tout cas, peu importe la sorte de résidence. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on est rendu là à réfléchir. Exemple, c'est ça, si on avait une garderie dans n'importe quelle résidence, alors le midi, ou peu importe le temps, mais quand on a les services alimentaires pour les personnes qui sont résidentes du lieu, ben pourquoi pas que les enfants ne se joignent pas. Et c'est ça que mes amies françaises me faisaient observer. L'enfant qui adopte une personne âgée ou vice-versa, là, tu viens de créer un lien à vie. Et il y a des personnes qui ont jamais eu d'enfants et là, elles viennent de découvrir les vertus d'avoir quelqu'un avec qui causer et en fait s'enrichir de part et d'autre. Moi, je pense que c'est un plus parce qu'effectivement, l'aîné, c'est de garder un contact avec la vie des enfants. Les enfants, c'est tellement attachant et tout ça. Donc, c'est une façon pour eux de pouvoir rester en contact, de sourire. Qui sourit pas en voyant un enfant qui va faire un dessin ou remettre une petite gâterie ou quoi que ce soit? Je veux dire, je pense que ça peut être intéressant autant pour l'enfant que l'aîné de mixer certaines activités. Moi, je me rappelle, ça doit se faire encore dans un club dans le territoire de Beauport, un club FADOC. La journée de l'Halloween, les enfants de la garderie du même et de la même bâtisse montaient voir les grands-parents, ouais. Les aînés du club. À un moment donné, ça fait quasiment les aînés du club pour aller chercher leurs bonbons. Puis la journée que ça se passait, le club FADOC du milieu était très content d'accueillir ces aînés-là. Tout le monde avait ces enfants-là, pardon. Tout le monde avait apporté leurs bonbons à distribuer, puis ça faisait une activité, une fête festive. Puis il y avait de la joie là cette journée-là. Fait que moi, je pense que ça peut se faire lors d'activités. Puis en même temps, sachant que c'est bon, les gens peut-être en CHSLD, il y a quand même une certaine perte d'autonomie plus avancée. Ben c'est une façon de garder en contact. Puis c'est pas vrai que les aînés ont pas le goût de voir de pas voir personne, même s'ils sont en incapacité. Donc c'est un beau projet. Puis effectivement, les maisons intergénérationnelles, ben ce serait peut-être de contribuer à utiliser ou maximiser des locaux. Pour mixer différentes générations, puis ils peuvent s'apporter mutuellement là joie, festivité. En tout cas, moi je pense que ça peut être un plus dans une société pour accepter là effectivement les différences. Mais les maisons intergénérationnelles, est-ce que c'est pas parce que justement la majorité du temps sont situées en banlieue, et si les personnes qui sont un peu plus âgées sont ou ils sont en perte d'autonomie, peuvent s'occuper de leur chez-soi, mais par exemple pour ce qui est de la difficulté, peu importe là, des raisons de santé X ou pas du tout, ou qui ont juste jamais eu leur permis, ben si c'est toujours en banlieue, c'est sûr et certain que ça coupe les liens. À un moment donné, les gens sont pas intéressés. Les permis au niveau de la ville, on peut pas changer de permis, là, c'est sûr et certain. Je m'avance pas sur ce sujet-là. C'est sûr que c'est l'entraide. Mais j'imagine quand il y a une décision de prise dans une famille versus le grand-parent ou le couple de grands-parents qui va demeurer, ben il y a de l'entraide, de la solidarité, puis si la ville met en place ce type de permis-là, ou dans le fond, c'est de mettre des politiques, mais aussi mettre en place des actions qui vont favoriser ces types de constructions-là pour parce que on se leurra pas, il y a beaucoup d'aînés qui veulent demeurer à domicile le plus longtemps possible. Puis ça, c'est une réalité, puis c'est dit un peu partout. Donc, le plus longtemps possible. Il n'y a pas personne qui a envie de se rendre dans un centre où est-ce qu'il y a un lit d'hôpital, là. Donc, le plus possible. Puis même au niveau politique, c'est une volonté. Ils veulent mettre davantage de services de soutien à domicile, d'aide à domicile pour maximiser. Mais bon, en réalité, il y a peut-être des manquements à certains endroits, mais la majorité des aînés ont le goût de demeurer à domicile. Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait des actions, puis s'occuper de faire en sorte que si on veut que nos aînés demeurent le plus longtemps actifs à domicile, puis le plus longtemps autonomes, faut que la société, les acteurs gouvernementaux mettent en place des façons de faire pour que ça fonctionne. Oui, mais moi, ce que je pense vis-à-vis ça, c'est que jusqu'à maintenant, quand même, c'est très peu de gens qui peuvent le vivre. Mm-hmm. Parce que là, ça entend, à domicile, c'est habituellement, comme vous disiez tout à l'heure, dans les banlieues. Et là, à ce moment-là, les gens, peut-être, ont des maisons assez grandes. Mais c'est assez rare que les enfants, si on ne bâtit pas à nouveau en disant, ce que j'ai vu qui fonctionnait, entre guillemets, peut-être mieux, c'est de les grands-parents ont peut-être la moitié de la maison où ils ont leur endroit pour s'assurer d'avoir leur confort, mais aussi leur identité. Et de l'autre bord, c'est la famille, la petite famille, puis les gens se visitent, puis tout ça. Mais c'est pas si facile que ça à arrimer. Et en ville, il y a beaucoup, beaucoup de gens, maintenant, qui vont quand même laisser leur demeure. Moi, je vois aux retraités flyers, je vois beaucoup de personnes qui ont laissé leur demeure et qui sont maintenant dans des tours d'habitation. Moi, c'est surtout ces personnes-là que je me soucie de voir jusqu'à quel point c'est un petit peu aseptisé quand on prend les, on dit aux personnes, hey, vous allez, ça va être le bonheur, vous allez vous acheter un condo. À partir de maintenant, tous vos soucis sont partis. Vous n'avez pas besoin de, en tout cas, de déblayer la cour. Bien non. C'est bien plaisant de pas avoir déblayé la cour, sauf que je rencontre pas de voisins si je le fais pas. Et si on se retourne de bord, ben, c'est ça, c'est que, peut-être qu'à un moment donné, on devrait aussi des promoteurs de maisons comme celle-là devraient peut-être réfléchir. Il y en a une qui me vient à l'idée, là, je la nommerai pas, mais où je vois qu'il y a une garderie dans les locaux en bas de la tour d'habitation. Je ne sais pas la mixité jusqu'à quel point elle peut être présente, mais c'est peut-être ça, cette façon de bâtir qu'on devrait voir, ne pas faire des grands endroits où les gens sont comme retirés. Hey, on vous offre tout. Mais oui, mais la communauté, est-ce qu'on y a accès? Tant que exact. Ça, moi, je pense pas. Moi, si je reviens, par exemple... Ailleurs, ben, je voulais peut-être ajouter, ça me fait penser, l'autre jour, je participais à un colloque où il y a eu un exemple d'action qui a été... je me souviens plus exactement dans quel endroit, mais il avait construit effectivement une habitation pour aînés, mais à l'intérieur se retrouvaient autant les organismes communautaire du milieu. Et il y avait une garderie, il y avait un dépanneur, une épicerie, mais à même le même bâtiment. Donc, les gens, les aînés pouvaient aller faire leur épicerie à ce même endroit-là. Aussi, là. Puis, autour, c'était localisé, mais ça avait été pensé dans l'environnement de la municipalité de faire quelque chose qui permettrait de garder contact avec le milieu. Ouais. Mais ils voyaient des gens, puis ça avait connu un super succès. Mais comme vous dites, ça pourrait être une occasion de tester ici, mais... Ce qui me fait peur dans ce cas-là, c'est que les gens se restent dans leur immeuble. Si on leur offre épicerie, dépanneur, nettoyeur, peu importe, les services, même pharmacie, j'ai peur qu'à un moment donné, ils restent à l'intérieur tout le temps. Oui, ils vont se créer une communauté, mais le besoin des fois de sortir... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous vois réagir. Oui, je réagis à ça parce que c'est ça. C'est ça qui se passe souvent. Et ça, je trouve ça vraiment, en tout cas, spécial, si on veut. Oui, c'est pour la personne qui s'en va dans un endroit comme celle-là. Elle dit, j'aurai pas besoin de sortir. Je vais tout avoir. Et aussi, ça va devenir une petite communauté où les gens, bon, l'autobus est offert, la navette, là, c'est-à-dire. La navette, oui, bon, qui vient chercher les gens, on s'en va à l'épicerie, tout le monde ensemble, on revient. Moi, là, quand je regarde ça, là, je suis en tout cas, je suis peut-être une irréductible personne qui a de la difficulté à tout faire. J'aime les regroupements, mais j'aime aussi qu'on ait une identité dans ces regroupements-là. L'indépendance. Mm-hmm. Et c'est malheureux, mais pourquoi je dis c'est malheureux? Parce que je suis allée souvent dans ces tours d'habitation-là où tout était là. On dirait que les gens ne se parlent pas plus. J'ai l'impression, moi, d'arriver à un endroit où on est comme si on était dans un immeuble ordinaire d'habitation. Alors, véritablement, je pense que va falloir que autant les promoteurs, encore une fois, que peut-être les villes, en fait, réfléchissent sur cette histoire-là de placer ensemble, véritablement ensemble. Il y a des façons qui sont possibles. Quand on parle... C'est peut-être les promoteurs, mais aussi... le responsable ou la direction, par exemple, si on parle dans une résidence pour aînés ou ailleurs, mais c'est d'avoir aussi cette préoccupation-là de permettre aux aînés de sortir, c'est de faire, venir des activités à l'intérieur de la résidence, mais garder un contact avec la communauté, mais c'est aussi d'amener la chorale du milieu à venir faire un chant, mais aussi d'aller à la fête dans le parc qui se tient l'été, organisé par la municipalité, pour que nos aînés gardent le contact avec leur communauté puis leur milieu, que ce soit pas juste à l'intérieur de la résidence que ça se passe là. Au niveau des résidences, tout ça, moi, il y a quelque chose qui m'a fait friser les cheveux sur la tête, puis ils sont raides en plus. C'est quand on avait parlé l'histoire de la Concorde, l'immeuble de la Concorde qui est un hôtel qu'on a voulu transférer à un moment donné, on avait parlé avec les résidences Soleil et puis justement le directeur général de la FADOC, monsieur Lépine, était sorti dans le Soleil comme quoi que les commerçants autour, parce qu'on s'entend, le Concorde c'est sur Grande Allée, les commerçants autour, il y en avait qui qui disait que c'était carrément ridicule d'intégrer une résidence de personnes âgées sur Grande Allée, comme quoi que c'était vraiment décevant d'avoir cette idée-là. Il y en a d'autres qui se demandaient comment on pouvait concilier les deux réalités, comme si, rendu à un certain âge, on n'a plus le goût d'aller dans des festivals, de sortir dehors, d'aller dans un restaurant qui est peut-être plus branché. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Est-ce que, on dirait là, c'est là où est-ce que je vois qu'il y a une réticence des villes, des fois, peut-être des commerçants autour, mais pourtant, il y en a déjà des personnes d'un certain âge qui habitent le quartier. Là, c'était comme, ils voyaient la grosse masse arriver. C'est sûr que, carrément, là, c'était effectivement un peu d'âgisme là, que la plupart. Un peu vis-à-vis à l'accueil. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'il y avait d'écrit, mais écoutez, là, il y en avait. Vis-à-vis l'accueil un peu des aînés, mais comme on disait, oui, il y a des aînés qui sont en capacité de payer, qui ont les moyens de sortir, puis ils ont encore une contribution importante à la société. Exact. Puis oui, les commerces, autant de Québec, de la Grande Allée, ils vont aller dépenser leurs sous-là. Ils vont aller... Donc, c'est pas parce que... On parle d'intergénération depuis tantôt. Est-ce que c'est des mettre en banlieue que là, l'intergénération va fonctionner? C'est ça, on les veut pas en ville. Mais... Non. C'est ça. C'est là que c'est insidieux, l'agisme. Oui. C'est que l'image... Vous avez parlé au début de Steve McQueen. Bon, les personnes... Winston McQueen. Oui, excusez. Non. Oui. Bon. Alors, souvent, c'est que... On a l'impression, les personnes qui sont les aînés, moi je déteste entendre le mot vieux, j'ai souvent entendu de la part de jeunes là, qui arrivaient puis qui disaient « Hey, les vieux, embarquez avec nous autres ». Ben je regrette, on n'est pas des vieux, on est des aînés, c'est pas du tout la même chose. Mm-hmm. Et encore une fois, je reviens à l'éducation, la culture, comme vous, là, ça me faisait friser. Mm-hmm, mm-hmm. Mais si on revient à l'histoire de justement placer les résidences, peut-être dans des milieux un petit peu plus qu'on les verra pas, puis que parce que là c'est ça que quand les centres-villes c'est les cœurs, c'est cœurs, le cœur de la ville, c'est là. Comique, mais je veux dire, quand on va dans d'autres villes ailleurs, partout dans le monde, on arrive puis il y a des aînés dans les centres-villes là, qui ont toujours demeuré là puis qui sont encore là. Nous ici, on veut comme un petit peu aller dans le Vieux-Québec puis regarder les résidents qui sont là. Il y en a de moins en moins, et l'idée de ça, c'est que les personnes aînées, on veut leur argent, mais on veut pas qu'ils dérange. Mmh. On veut pas les voir. Bon, en ça, touriste. En touriste. Et ça, c'est moi, je considère, c'est là. On commence à vraiment à être une société qu'on veut faire des choix qui sont encore une fois orientés vers le profit. Est-ce qu'on pourrait pas laisser faire là, puis commencer à encore une fois à orienter vers l'humain, c'est-à-dire que on se coupe de connaissances et de personnes, puis le bénévolat, là, faut bien le dire, là, on vaut des millions. Les gens se rendent pas compte de ça, tu sais, je veux dire, vous coûtez cher à l'État parce que vous êtes vieillissant, puis les soins de santé. Une minute, là. Les soins de santé, faut bien dire que oui, peut-être qu'on en prend un peu, mais plus que... Il y en a que, des plus jeunes aussi. Il y a des plus jeunes aussi, puis bon. Alors, je partirai pas un débat là avec tous les besoins que les jeunes ont, puis qui joyeusement, je veux dire, l'État contribue à ça, dont avoir l'insémination artificielle ou des affaires de même là. Bon, on partira alors, pas dans le débat. Dans le débat, pas du tout. Mais si on revient à ce qui nous intéresse, c'est que les aînés, on n'est pas juste des consommateurs de soins de santé. On est des personnes qui sont, je pense, dans les milieux où ils sont très aidants, dont le bénévolat, et on l'a déjà chiffré, puis si on l'oublie souvent, c'est que après ces générations-là qui en font beaucoup, les organismes communautaires, on les regarde, et il y a des gens, là, il y a des personnes qui ont 80 ans, qui vont aller donner du temps pour les popotes, pour l'alimentation communautaire, les popotes roulantes, etc. On cherche dans les centres de santé aussi, dans les hôpitaux, les il y a des fondations, les visites d'amitié, exact. Et souvent on cherche des personnes un peu plus jeunes pour disons quand l'épicerie arrive pour descendre les boîtes et tout ça, on n'en trouve pas. Bon, alors là, il y a comme un petit peu de temps qu'on regarde la valeur de ces personnes-là et qu'on essaie. Ça s'apprend le bénévolat, là. C'est pas, t'as pas ça inclus dans le cœur en partant, là. Alors, je pense que va falloir, encore une fois, ça, c'est de l'intergénérationnel. Ensemble, être à l'écoute des besoins des gens de tout âge. Et quand on fait ça, ben, je pense qu'on va avoir des meilleurs milieux de vie. Tu sais, c'est bien beau, là, encore, avoir des belles villes, bien... mais, par contre, qu'est-ce qui fait le charme d'une ville? C'est tout le temps les habitants. Moi, les voyages que j'ai faits, c'est des contacts humains qui sont ressortis, les amis que je me suis fait, etc., etc. Alors, quand même, j'ai vu beaucoup de beaux musées. Oui, c'est très agréable, puis je dénie pas ce côté-là, mais on n'est pas encore rendu, nous, à être exposés dans les musées, là. Mais je pense effectivement faut valoriser les aînés puis les mobiliser puis dire qu'ils ont leur place là. La valorisation des aînés c'est comme par l'intermédiaire de nos organismes, nos associations, le fait de contribuer à ce qu'ils mettent en pratique leurs talents, leurs expériences au service d'un organisme qui les touche vis-à-vis de la mission, ça c'est important puis on est rendu là. Faut sensibiliser, oui. En terminant, parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes, en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait faire rapidement là, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider, pour intégrer les générations? Ben. Et diminuer l'âgisme aussi. Ben, puis même l'âgisme envers d'une personne âgée envers une autre aussi. Tout à fait. Je pense que c'est beaucoup de l'éducation, là. Faut le dire. Moi, je pense qu'on est quand même rendu jusqu'à maintenant, on était très polis, mais là, je veux dire, la politesse, ça n'empêche pas d'être capable de prendre sa place. Alors, les aînés, je pense que il y a comme un petit peu de temps. On s'est fait un petit peu tasser et là, on se rendait pas compte jusqu'à quel point ça pouvait être insidieux. Et c'est insidieux véritablement. Moi, savoir jusqu'à j'ai entendu des gens se faire harceler au téléphone par des gens qui demandaient des dons et tout ça. Alors, encore une fois, pour 4 minutes, là, on n'a pas le temps de parler de ça, mais c'est des réalités, ça. Alors, faire de l'éducation à de l'âge. Les organismes sont très importants, les organismes de personnes aînées, mais aussi les autres organismes. Je remarque que dans les centres de loisirs de la ville, moi, en tout cas, on a une très belle collaboration avec les Loisirs Saint-Sacrement, là, qui sont dans le quartier Saint-Sacrement, un quartier où les personnes âgées ont leur place, les personnes aînées, je devrais dire. Et finalement, c'est ça, c'est de plus en plus de favoriser le dialogue entre toutes les générations. L'intergénérationnel, c'est la voie de l'avenir. D'accord. Puis le vieillissement de la population, c'est oui, c'est existant, c'est là, mais il s'agit de comme Madame Audet disait, l'éducation, la sensibilisation, donner la parole à nos aînés, ils ont leur place, puis qu'ils prennent leur place. Donc le pouvoir gris est existant, mais faut être là, puis qu'ils osent prendre leur place aussi à leur façon, là, c'est l'occasion, je pense, de se mettre à l'avant-plan puis d'être présent. Ben, on a pu un peu, je vous remercie parce qu'on a pu un peu tâter le terrain puis commencer à démystifier avec les différents, là, au niveau de l'âgisme. C'est vrai qu'on a parlé des différentes générations. Puis de l'intergénération, on en a parlé beaucoup, mais je pense que si ça revient beaucoup, c'est que ça doit être une ressource, une façon de faire peut-être qui pourrait être intéressante dans les années futures. Hein? Ben, oui, puis on vous remercie beaucoup de nous avoir donné la parole ce matin parce que, justement, alors, vous commencez déjà le travail d'éducation. Merci. Ben, merci à vous deux. Puis, écoutez, moi, sur la page Les Différents, je vais placer vos liens respectifs, que ce soit pour les retraités flyés ou la FADOC. Je vais mettre tous les liens sur la page des Différents. Merci beaucoup, mesdames. C'est très apprécié. Puis, je suis bien contente d'en avoir parlé ce matin. Merci de la tribune que vous nous avez. Oui, merci à vous. Merci. Prochaine. À une prochaine. Au revoir. Bonne journée. C'est tout pour moi pour le moment. Nous, on a parlé d'âgisme et puis en terminant, j'aimerais ça quand même rendre des points positifs au travers de tout ça parce qu'on en a entendu, oui, l'intergénération, on a parlé de la garderie. Mais quand on parle, par exemple, de Charles Aznavour, qu'on a entendu dernièrement au Centre Vidéotron, c'est quand même quelque chose qu'à 92 ans, on puisse remplir un centre aussi grand que le Centre Vidéotron. Donc, il y a des belles histoires encore. Il y a encore des choses qu'il faudrait peut-être entendre un petit peu plus, plutôt que les automobilistes âgés à cause des accidents et tout ça. Est-ce qu'on peut se tourner un peu vers le positif? Donc, je remercie encore mes invités de ce matin. Pour en savoir plus sur les différents, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, comme je le disais tout à l'heure, sur la page Les Différents. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine. À vendredi prochain, 9h. Et d'ici là, osez être différent. Essayez ça pour une fois. Bye bye. Vendredi 4 novembre.